sa tête dans la carlingue. Le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia des chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel. Il effleura du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait entre eux ni vertu, ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Permis d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit, comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeurait fixe son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol où l'on savoure une espérance inexplicable. De la nuit, comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme. Ses appels, ses lumières, cette inquiétude, cette simple étoile dans l'ombre, l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui se ferme sur son amour ou sur son ennui. C'est une maison qui cesse de faire son signal au reste du monde.